Chapitre 13. Serge avait alors 19 ans. Il occupait au second étage une petite chambre en face de l'appartement du prêtre, où il vivait presque cloîtré, lisant beaucoup. « Il faudra que je jette tes bouquins au feu !» lui disait Mouret avec colère. « Tu verras que tu finiras par te mettre au lit !» En effet, le jeune homme était d'un tempérament si nerveux qu'il avait, à la moindre imprudence, des indispositions de fille, des bobos qui le retenaient dans sa chambre pendant 2 ou 3 jours. Rose le noyait alors de tisane. Et lorsque Mouret montait pour le secouer un peu, comme il le disait, si la cuisinière était là, elle mettait son maître à la porte en lui criant « Laissez-le donc tranquille, ce mignon! Vous voyez bien que vous le tuez avec vos brutalités! Allez, il ne tient guère de vous. Il est tout le portrait de sa mère. » Vous ne les comprenez jamais, ni l'un ni l'autre. » Serge souriait. Son père, en le voyant si délicat, hésitait, depuis sa sortie du collège, à l'envoyer faire son droit à Paris. Il ne voulait pas entendre parler d'une faculté de province. Paris, selon lui, était nécessaire à un garçon qui voulait aller loin. Il mettait dans son vice une grande ambition, disant que de plus bête, ses cousins Rougon, par exemple, avaient fait un joli chemin. Chaque fois que le jeune homme lui semblait gaillard, il fixait son départ au premier jour du mois suivant. Puis, la malle n'était jamais prête. Le jeune homme toussait un peu. Le départ se trouvait de nouveau renvoyé. Marthe, avec sa douceur indifférente, se contentait de murmurer chaque fois « Il n'a pas encore 20 ans !» Ce n'est guère prudent d'envoyer un enfant si jeune à Paris. D'ailleurs, il ne perd pas son temps ici. Tu trouves toi-même qu'il travaille trop. » Serge accompagnait sa mère à la messe. Il était d'esprit religieux, très tendre et très grave. Le docteur Porquier lui ayant recommandé beaucoup d'exercices, il s'était pris de passion pour la botanique, faisant des excursions, passant ensuite ses après-midi à dessécher les herbes qu'il avait cueillies, à les coller, à les classer, à les étiqueter. Ce fut alors que l'abbé Faujas devint son grand ami. L'abbé avait herborisé autrefois. Il lui donna certains conseils pratiques dont le jeune homme se montra très reconnaissant. Ils se prêtèrent quelques livres. Ils allèrent un jour ensemble à la recherche d'une plante que le prêtre disait devoir pousser dans le pays. Quand Serge était souffrant, chaque matin, il recevait la visite de son voisin, qui causait longuement au chevet de son lit. Les autres jours, lorsqu'il se retrouvait sur pied, c'était lui qui frappait à la porte de l'abbé Faujas, dès qu'il l'entendait marcher dans sa chambre. Ils n'étaient séparés que par les 3 paliers. Ils finissaient par vivre l'un chez l'autre. Souvent, Mouret s'emportait encore, malgré la tranquillité impassible de Marthe et les yeux irrités de Rose. « Qu'est-ce qu'il peut faire là-haut, ce garnement ? » grondait-il. « Je passe des journées entières sans seulement l'apercevoir. Il ne sort plus de chez le curé. Ils sont toujours à causer dans les coins. D'abord, il va partir pour Paris. Il est fort comme un Turc. Tous ces bobos-là sont des frimes pour se faire dorloter. Vous avez beau me regarder toutes les deux. Je ne veux pas que le curé fasse un cagot du petit. » Alors il guetta son fils. Lorsqu'il le croyait chez l'abbé, il l'appelait rudement. « J'aimerais mieux qu'il alla voir les femmes » cria-t-il un jour, exaspéré. « Oh, monsieur !» dit Rose. « C'est abominable, des idées pareilles. »« Oui, les femmes, et je l'y mènerai moi-même si vous me poussez à bout avec votre prêtraille. » Serge fit naturellement partie du cercle de la jeunesse. Il y allait peu d'ailleurs, préférant sa solitude. Sans la présence de l'abbé Faujas, avec lequel il s'y rencontrait parfois, il n'y aurait sans doute jamais mis les pieds. L'abbé, dans le salon de lecture, lui apprit à jouer aux échecs. Mouret, qui sut que le petit se retrouvait avec le curé, même au café, jura qu'il le conduirait au chemin de fer dès le lundi suivant. La malle était faite, et sérieusement cette fois. Lorsque Serge, qui avait voulu passer une dernière matinée en plein champ, rentra, trempé par une averse brusque. Il dut se mettre au lit, les dents claquant de fièvre. Pendant 3 semaines, il fut entre la vie et la mort. La convalescence dura 2 grands mois. Les premiers jours, surtout, il était si faible qu'il restait la tête soulevée sur des oreillers, les bras étendus le long des draps, pareil à une figure de cire. « C'est votre faute, monsieur !» criait la cuisinière à Mouret. « Si l'enfant meurt, vous aurez ça sur la conscience !» Tant que son fils fut en danger, Mouret, assombri, les yeux rouges de larmes, rôda silencieusement dans la maison. Il montait rarement, piétiné dans le vestibule, à attendre le médecin à sa sortie. Quand il sut que Serge était sauvé, il se glissa dans la chambre, offrant ses services. Mais Rose le mit à la porte. On n'avait pas besoin de lui. L'enfant n'était pas encore assez fort pour supporter ses brutalités. Il ferait bien mieux d'aller à ses affaires que d'encombrer ainsi le plancher. Alors, Mouret resta tout seul au rez-de-chaussée, plus triste et plus désœuvré. « Il n'avait de goût à rien, » disait-il. Quand il traversait le vestibule, il entendait souvent au second la voix de l'abbé Faujas, qui passait les après-midi entières au chevet de Serge convalescent. « Comment va-t-il aujourd'hui, monsieur le curé ?» demandait Mouret au prêtre timidement lorsque ce dernier descendait au jardin. « Assez bien, ce sera long, il faut de grands ménagements. » Et il lisait tranquillement son bréviaire, tandis que le père, un sécateur à la main, le suivait dans les allées, cherchant à renouer la conversation pour avoir des nouvelles plus détaillées sur le petit. Lorsque la convalescence s'avança, il remarqua que le prêtre ne quittait plus la chambre de Serge. Étant monté à plusieurs reprises, pendant que les femmes n'étaient pas là, il l'avait toujours trouvé assis auprès du jeune homme, causant doucement avec lui, lui rendant les petits services de sucrer sa tisane, de relever ses couvertures, de lui donner les objets qu'il désirait. Et c'était dans la maison tout un murmure adouci, des paroles échangées à voix basse entre Marthe et Rose, un recueillement particulier qui transformait le second étage en un coin de couvent. Mouret sentait comme une odeur d'encens chez lui. Il lui semblait parfois, au balbutiement des voix, qu'on disait la messe en haut. « Que font-ils donc ? » pensait-il. « Le petit est sauvé, pourtant. Il ne lui donne pas l'extrême-onction. » Serge lui-même l'inquiétait. Il ressemblait à une fille dans ses linges blancs. Ses yeux s'étaient agrandis. Son sourire était une extase douce des lèvres qu'il gardait même au milieu des plus cruelles souffrances. Mouret n'osait plus parler de Paris, tant le cher malade lui paraissait féminin et pudique. Une après-midi, il était monté en étouffant le bruit de ses pas. Par la porte entrebâillée, il aperçut Serge au soleil dans un fauteuil. Le jeune homme pleurait, les yeux au ciel, tandis que sa mère, devant lui, sanglotait également. Ils se tournèrent tous les deux au bruit de la porte, sans essuyer leurs larmes. Et tout de suite, de sa voix faible de convalescent, « Mon père, dit Serge, j'ai une grâce à vous demander. Ma mère prétend que vous vous fâcherez, que vous me refuserez une autorisation qui me comblerait de joie. Je voudrais entrer au séminaire. » Il avait joint les mains avec une sorte de dévotion fiévreuse. « Toi ? Toi ? » murmura Mouret. Et il regarda Marthe qui détournait la tête. Il n'ajouta rien, alla à la fenêtre, revint s'asseoir au pied du lit, machinalement, comme assommé sous le coup. « Mon père, reprit Serge au bout d'un long silence. « J'ai vu Dieu si près de la mort. J'ai juré d'être à lui. Je vous assure que toute ma joie est là. Croyez-moi, ne me désolez point. » Mouret, la face morne, les yeux à terre, ne prononçait toujours pas une parole. Il fit un geste de suprême découragement en murmurant « Si j'avais le moindre courage, je mettrais une chemise dans un mouchoir et je m'en irais. » Puis il se leva, vint battre contre les vitres du bout des doigts. Comme Serge allait l'implorer de nouveau, « Non, non, c'est entendu, » dit-il simplement. « Fais-toi curer, mon garçon. » Et il sortit. Le lendemain, sans avertir personne, il partit pour Marseille, où il passa 8 jours avec son fils Octave. Mais il revint soucieux, vieilli. Octave lui donnait peu de consolation. Il l'avait trouvé menant joyeuse vie, criblé de dettes, cachant des maîtresses dans ses armoires. D'ailleurs, il n'ouvrit pas les lèvres sur ces choses. Il devenait tout à fait sédentaire, ne faisait plus un seul de ses bons coups, un de ses achats de récolte sur pied dont il était si glorieux autrefois. Rose remarqua qu'il affectait un silence presque absolu, qu'il évitait même de saluer l'abbé Faujas. « Savez-vous que vous n'êtes guère poli ?» lui dit-elle un jour hardiment. « Monsieur le curé vient de passer et vous lui avez tourné le dos. Si c'est à cause de l'enfant que vous faites ça, vous avez bien tort. Monsieur le curé ne voulait pas qu'il entrât au séminaire. Il l'a assez chapitré là-dessus, je l'ai entendu. Ah, la maison est gaie maintenant. Vous ne causez plus, même avec madame. Quand vous vous mettez à table, on dirait un enterrement. Moi, je commence à en avoir assez, monsieur. » Mouret quittait la pièce, mais la cuisinière le poursuivait dans le jardin. Est-ce que vous ne devriez pas être heureux de voir l'enfant sur ses pieds? Il a mangé une côtelette hier, le chérubin, et avec bon appétit encore. Ça vous est bien égal, n'est-ce pas? Vous vouliez en faire un païen comme vous? Allez, vous avez trop besoin de prières. C'est le bon Dieu qui veut notre salut à tous. À votre place, je pleurerai de joie, en pensant que ce pauvre petit cœur va prier pour moi. Mais vous êtes de pierre, vous, monsieur. Et comme il sera gentil, le mignon, en soutane. Alors Mouret montait au premier étage. Là, il s'enfermait dans une chambre, qu'il appelait son bureau, une grande pièce nue, meublée d'une table et de 2 chaises. Cette pièce devint son refuge, aux heures où la cuisinière le traquait. Il s'y ennuyait, redescendait au jardin, qu'il cultivait avec une sollicitude plus grande. Marthe ne semblait pas avoir conscience des bouderies de son mari. Il restait parfois 1 semaine silencieux, sans qu'elle s'inquiétât ni se fâchât. Elle se détachait chaque jour davantage de ce qui l'entourait. Elle crut même, tant la maison lui parut paisible, lorsqu'elle n'entendit plus à toute heure la voix grondeuse de Mouret, que celui-ci s'était raisonné, qu'il s'était arrangé, comme elle, un coin de bonheur. Cela la tranquillisa, l'autorisa à s'enfoncer plus avant dans son rêve. Quand il la regardait, les yeux troubles, ne la reconnaissant plus, elle lui souriait, elle ne voyait pas les larmes qui lui gonflaient les paupières. Le jour où Serge, complètement guéri, entra au séminaire, Mouret resta seul à la maison avec Désiré. Maintenant, il la gardait souvent. Cette grande enfant, qui touchait à sa 16e année, aurait pu tomber dans le bassin ou mettre le feu à la maison. En jouant avec des allumettes, comme une gamine de 6 ans. Lorsque Marthe rentra, elle trouva les portes ouvertes, les pièces vides. La maison lui sembla toute nue. Elle descendit sur la terrasse et aperçut, au fond d'une allée, son mari qui jouait avec la jeune fille. Il était assis par terre, sur le sable. Il emplissait gravement, à l'aide d'une petite pelle de bois, un chariot que Désiré tenait par une ficelle. « Huuuuh !» criait l'enfant. « Mais attends donc !» disait patiemment le bonhomme. « Il n'est pas plein. Puisque tu veux faire le cheval, il faut attendre qu'il soit plein. » Alors, elle battit des pieds en faisant le cheval qui s'impatiente. Puis, ne pouvant rester en place, elle partit, riant aux éclats. Le chariot sautait, se vidait. Quand elle eut fait le tour du jardin, elle revint, criant « Remplis-le ! Remplis-le encore !» Mouret le remplit de nouveau à petite pelletée. Marthe était restée sur la terrasse, regardant, émue, mal à l'aise. Ses portes ouvertes, cet homme jouant avec cet enfant, au fond de la maison vide, l'attristait. Sans qu'elle eût une conscience nette de ce qui se passait en elle. Elle monta se déshabiller, entendant Rose, qui était rentrée également, dire du haut du perron « Mon Dieu, que monsieur est bête !» Selon l'expression de ses amis du cours Sauvert, des petits rentiers avec lesquels il faisait tous les jours son tour de promenade, Mouret était touché. Ses cheveux avaient grisonné en quelques mois, il fléchissait sur les jambes, il n'était plus le terrible moqueur que toute la ville redoutait. On crut un instant qu'il s'était lancé dans des spéculations hasardeuses et qu'il pliait sous quelques grosses pertes d'argent. Madame Paloc, accoudée à la fenêtre de sa salle à manger, qui donnait sur la rue Palande, disait même qu'il filait un vilain coton, chaque fois qu'elle le voyait sortir. Et si l'abbé Faujas traversait la rue, quelques minutes plus tard, elle prenait plaisir à s'écrier, surtout lorsqu'elle avait du monde chez elle. « Voyez donc, monsieur le curé, en voilà un qui engraisse. S'il mangeait dans la même assiette que monsieur Mouret, on croirait qu'il ne lui laisse que les os. » Elle riait, et l'on riait avec elle. L'abbé Faujas, en effet, devenait superbe. Toujours ganté de noir, la soutane luisante. Il avait un sourire particulier, un plissement ironique des lèvres, lorsque madame de Condamin le complimentait sur sa bonne mine. Ces dames l'aimaient bien mis, vêtues d'une façon cossue et douillette. Lui devait rêver la lutte à poings fermés, les bras nus, sans souci du haillon. Mais lorsqu'il se négligeait, le moindre reproche de la vieille madame Rougon le tirait de son abandon. Il souriait, il allait acheter des bas de soie, un chapeau, une ceinture neuve. Il usait beaucoup, son grand corps faisait tout craquer. Depuis la fondation de l'œuvre de la Vierge, toutes les femmes étaient pour lui. Elles le défendaient contre les vilaines histoires qui couraient encore parfois, sans qu'on pût en deviner nettement la source. Elle le trouvait bien un peu rude par moments, mais cette brutalité ne leur déplaisait pas, surtout dans le confessionnal, où elles aimaient à sentir cette main de fer s'abattre sur leur nuque. « Ma chère, dit un jour madame de Condamin à Marthe, il m'a grondée hier. Je crois qu'il m'aurait battue s'il n'y avait pas eu une planche entre nous. Ah, il n'est pas toujours commode !» Et elle eut un petit rire, jouissant encore de cette querelle avec son directeur. Il faut dire que madame de Condamin avait cru remarquer la pâleur de Marthe quand elle lui faisait certaines confidences sur la façon dont l'abbé Faujas confessait. Elle devinait sa jalousie. Elle prenait un méchant plaisir à la torturer en redoublant de détails intimes. Lorsque l'abbé Faujas eut créé le cercle de la jeunesse, il se fit bon enfant. Ce fut comme une nouvelle incarnation. Sous l'effort de la volonté, sa nature sévère se pliait ainsi qu'une cire molle. Il laissa compter la part qu'il avait prise à l'ouverture du cercle. Il devint l'ami de tous les jeunes gens de la ville, se surveillant davantage, sachant que les collégiens échappés n'ont pas le goût des femmes pour les brutalités. Il faillit se fâcher avec le fils Rastoil, dont il menaça de tirer les oreilles à propos d'une altercation sur le règlement intérieur du cercle. Mais, avec un empire surprenant sur lui-même, il lui tendit la main presque aussitôt, s'humiliant, mettant les assistants de son côté par sa bonne grâce à offrir des excuses à cette grande bête de Saturnin, comme on le nommait. Si l'abbé avait conquis les femmes et les enfants, il restait sur un pied de simple politesse avec les pères et les maris. Les personnages graves continuaient à se méfier de lui, en le voyant rester à l'écart de tout groupe politique. À la sous-préfecture, M. Pecker Dessolé le discutait vivement, tandis que M. Delangre, sans le défendre d'une façon nette, disait avec de fins sourires qu'il fallait attendre pour juger. Chez M. Rastoil, il était devenu un véritable trouble-ménage. Séverin et sa mère ne cessaient de fatiguer le président des éloges du prêtre. « Bien, bien, il a toutes les qualités que vous voudrez !» criait le malheureux. « C'est convenu, laissez-moi tranquille. Je l'ai fait inviter à dîner. Il n'est pas venu. Je ne puis pourtant pas aller le prendre par le bras pour l'amener. » « Mais, mon ami, disait Madame Rastoil, quand tu le rencontres, tu le salues à peine. C'est cela qui a dû le froisser. » « Sans doute, ajoutait Séverin, il s'aperçoit bien que vous n'êtes pas avec lui comme vous devriez être. » Monsieur Rastoil haussait les épaules. Lorsque Monsieur de Bourdeux était là, tous deux accusaient l'abbé Faujas de pencher vers la sous-préfecture. Madame Rastoil faisait remarquer qu'il n'y dînait pas, qu'il n'y avait même jamais mis les pieds. « Certainement, répondait le président. Je ne l'accuse pas d'être bonapartiste. Je dis qu'il penche, voilà tout. Il a eu des rapports avec M. Delangre. Hé, vous aussi, s'écriait Séverin. Vous avez eu des rapports avec le maire. On y est bien forcé dans certaines circonstances. Dites que vous ne pouvez pas souffrir l'abbé Faujas, cela vaudra mieux. » Et tout le monde se boudait dans la maison Rastoil pendant des journées entières. L'abbé Fenil n'y venait plus que rarement, se disant cloué chez lui par la goutte. D'ailleurs, à deux reprises, mis en demeure de se prononcer sur le curé de Saint-Saturnin, il avait fait son éloge en quelques paroles brèves. L'abbé Surin et l'abbé Bourette, ainsi que M. Maffre, étaient toujours du même avis que la maîtresse de maison. L'opposition venait donc uniquement du président, soutenu par M. de Bourdeux, tous deux déclarant gravement ne pouvoir compromettre leur situation politique en accueillant un homme qui cachait ses opinions. Séverin, par taquinerie, inventa alors d'aller frapper à la petite porte de l'impasse des Chevillottes lorsqu'il voulait dire quelque chose au prêtre. Peu à peu, l'impasse devint un terrain neutre. Le docteur Porquier, qui avait le premier usé de ce chemin, le fils de Langres, le juge de paix, indistinctement y vinrent causer avec l'abbé Faujas. Parfois, pendant toute une après-midi, les petites portes des deux jardins, ainsi que la porte charretière de la sous-préfecture, restaient grandes ouvertes. L'abbé était là, au fond de ce cul-de-sac, appuyé au mur, souriant, donnant des poignées de main aux personnes des deux sociétés qui voulaient bien le venir saluer. Mais M. Pecker Dessolé affectait de ne pas vouloir mettre les pieds hors du jardin de la sous-préfecture. Tandis que M. Rastoil et M. de Bourdeux, s'obstinant également à ne point se montrer dans l'impasse, restaient assis sous les arbres devant la cascade. Rarement la petite cour du prêtre envahissait la tonnelle des mourets. De temps à autre, seulement, une tête s'allongeait, jetait un coup d'œil, disparaissait. D'ailleurs, l'abbé Faujas ne se gênait point. Il ne surveillait guère avec inquiétude que la fenêtre des Trouches, où luisaient à toute heure les yeux d'Olympe. Les Trouches se tenaient là en embuscade, derrière les rideaux rouges, rongées par une envie rageuse de descendre, eux aussi, de goûter aux fruits, de causer avec le beau monde. Il tapait les persiennes, s'accoudait un instant, se retirait, furieux sous les regards dompteurs du prêtre. Puis, ils revenaient, à pas de loup, coller leur face blême à un coin des vitres, espionnant chacun de ses mouvements, torturés de le voir jouir si à l'aise de ce paradis qu'il leur défendait. C'est trop bête, dit un jour Olympe à son mari. Il nous mettrait dans une armoire s'il pouvait pour garder tout le plaisir. Nous allons descendre, si tu veux. Nous verrons ce qu'il dira. Trouche venait de rentrer de son bureau. Il changea de faux col et pousseta ses souliers, voulant être tout à fait bien. Olympe mit une robe claire. Puis, ils descendirent bravement dans le jardin, marchant à petits pas le long des grands buis, s'arrêtant devant les fleurs. Justement, l'abbé Faujas tournait le dos, causant avec M. Maffre, sur le seuil de la petite porte de l'impasse. Lorsqu'il entendit crier le sable, les trouches étaient derrière son dos, sous la tonnelle. Il se tourna, s'arrêta net au milieu d'une phrase, stupéfait de les trouver là. M. Maffre, qui ne les connaissait pas, les regardait curieusement. Un bien joli temps, n'est-ce pas, messieurs ? Dit Olympe, qui avait pâli sous le regard de son frère. L'abbé, brusquement, entraîna le juge de paix dans l'impasse où il se débarrassa de lui. Il est furieux, murmura Olympe. Tant pis, il faut rester. Si nous remontons, il croira que nous avons peur. J'en ai assez. Tu vas voir comme je vais lui parler. Et elle fit asseoir Trouche sur une des chaises que Rose avait apportées quelques instants auparavant. Quand l'abbé rentra, il les aperçut tranquillement installés. Il poussa les verrous de la petite porte, s'assura d'un coup d'œil que les feuilles les cachaient suffisamment. Puis, s'approchant, à voix étouffée, « Vous oubliez nos conventions, dit-il. Vous m'aviez promis de rester chez vous. »« Il fait trop chaud là-haut, répondit Olympe. « Nous ne commettons pas un crime en venant respirer le frais ici. » Le prêtre allait s'emporter. Mais sa sœur, toute blême de l'effort qu'elle faisait en lui résistant, ajouta d'un ton singulier « Ne crie pas, il y a du monde à côté, tu pourrais te faire du tort. » Les trouches eurent un petit rire. Il les regarda. Il se prit le front d'un geste silencieux et terrible. « Tais-toi, dit Olympe. Tu veux une explication, n'est-ce pas ? Eh bien, la voici. Nous sommes là de nous claquemurer. Toi, tu vis ici comme un coq en pâte. La maison est à toi, le jardin est à toi. C'est tant mieux, ça nous fait plaisir de voir que tes affaires marchent bien. Mais il ne faut pas pour cela nous traiter en va-nu-pied. Jamais tu n'as eu l'intention de me monter une grappe de raisin. Tu nous as donné la plus vilaine chambre. Tu nous caches, tu as honte de nous. Tu nous enfermes comme si nous avions la peste. Comprends-tu, ça ne peut plus durer. » « Je ne suis pas le maître, dit l'abbé Faujas. Adressez-vous à M. Mouret si vous voulez dévaster la propriété. » Les trouches échangèrent un nouveau sourire. « Nous ne te demandons pas tes affaires, poursuivit Olympe. Nous savons ce que nous savons, cela suffit. Tout ceci prouve que tu as un mauvais cœur. Crois-tu que, si nous étions dans ta position, nous ne te dirions pas de prendre ta part ?»« Mais enfin, que voulez-vous de moi ?» demanda l'abbé. « Est-ce que vous vous imaginez que je nage dans l'or ? Vous connaissez ma chambre, je suis plus mal meublée que vous. » « Je ne puis pourtant pas vous donner cette maison qui ne m'appartient pas. » Olympe haussa les épaules. Elle fit taire son mari qui allait répondre, et tranquillement. « Chacun entend la vie à sa façon. Tu aurais des millions que tu n'achèterais pas une descente de lit. Tu dépenserais ton argent à quelque grande affaire bête. Nous autres, nous aimons à être à notre aise chez nous. Ose donc dire que si tu voulais les plus beaux meubles de la maison, et le linge, et les provisions, et tout, tu ne l'aurais pas ce soir ? Eh bien, un bon frère, dans ce cas-là, aurait déjà songé à ses parents. Il ne les laisserait pas dans la crotte, comme tu nous y laisses. » L'abbé Faujas regarda profondément les trouches. Ils se dandinaient tous les deux sur leurs chaises. Vous êtes ingrat, leur dit-il au bout d'un silence. J'ai déjà fait beaucoup pour vous. Si vous mangez du pain aujourd'hui, c'est à moi que vous le devez, car j'ai encore tes lettres, Olympe, ces lettres où tu me suppliais de vous sauver de la misère en vous faisant venir à Plassans. Maintenant que vous voilà auprès de moi, avec votre vie assurée, ce sont de nouvelles exigences. Bah ! Interrompit brutalement Trouche. Si vous nous avez fait venir, c'était que vous aviez besoin de nous. Je suis payé pour ne croire aux beaux sentiments de personne. Je laissais parler ma femme tout à l'heure, mais les femmes n'arrivent jamais au fait. En deux mots, mon cher ami, vous avez tort de nous tenir en cage, comme des dogues fidèles qu'on sort seulement les jours de danger. Nous nous ennuyons, nous finirons par faire des bêtises. Laissez-nous un peu de liberté, que diable ! Puisque la maison n'est pas à vous et que vous dédaignez les douceurs, qu'est-ce que cela peut vous faire si nous nous installons à notre guise ? Nous ne mangerons pas les murs, peut-être. Sans doute, insista Olympe, on deviendrait enragé, toujours sous clé. Nous serons bien gentils pour toi. Tu sais que mon mari n'attend qu'un signe. Va ton chemin, compte sur nous. Mais nous voulons notre part, n'est-ce pas ? C'est entendu. L'abbé Faujas avait baissé la tête. Il resta un moment silencieux, puis se levant. « Écoutez, dit-il, sans répondre directement, si vous devenez jamais un empêchement pour moi, je vous jure que je vous renvoie dans un coin crevé sur la paille. » Et il remonta, les laissant sous la tonnelle. À partir de ce moment, les Trouches descendirent presque chaque jour au jardin. Mais ils y mettaient quelque discrétion. Ils évitaient de s'y trouver aux heures où le prêtre causait avec les sociétés des jardins voisins. La semaine suivante, Olympe se plaignit tellement de la chambre qu'elle occupait que Marthe, obligeamment, lui offrit celle de Serge, restée libre. Les Trouches gardèrent les deux pièces. Ils couchèrent dans l'ancienne chambre du jeune homme, dont pas un meuble d'ailleurs ne fut enlevé, et ils firent de l'autre pièce une sorte de salon pour lequel Rose leur trouva dans un grenier un ancien meuble de velours. Olympe, ravie, se commanda un peignoir rose chez la meilleure couturière de Plassans. Mouret, oubliant un soir que Marthe lui avait demandé de prêter la chambre de Serge, fut tout surpris d'y trouver les Trouches. Il montait pour prendre un couteau que le jeune homme avait dû laisser au fond de quelques tiroirs. Justement, Trouche taillait, avec ce couteau, une canne de poirier qu'il venait de couper dans le jardin. Alors, Mouret redescendit en s'excusant.